Portrait d'assaut sur Fadjet. Bonjour Chouk, Geoffrey, aujourd'hui je suis avec vous donc, pour parler de l'association Warp Zone, une association de Nancy, donc je vous laisse la présenter et vous présenter par la même occasion. Bye, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Chouk, effectivement président de l'asso depuis maintenant 2-3 ans et j'ai avec moi du coup mon comparse Geoffrey. Bonjour, donc c'est Geoffrey, donc je suis stade depuis un an, mais soutien de longue date. Et maintenant, je m'occupe de tout ce qui est la partie réseaux sociaux, donc partie communication, Facebook, Instagram. D'accord, donc l'association, c'est une association qui regroupe des passionnés de jeux vidéo. C'est ça. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que oui, c'est vrai que tu nous as demandé la présentation. On s'est présenté nous, oui. On n'a pas présenté Warzone. On était un peu vite en besogne. En fait, Warzone, c'est une structure qui existe depuis mars 2013. Donc, on a fêté nos 11 ans il y a peu. Le principe de Warp Zone, c'est avant tout de se retrouver autour de ce média qu'est le jeu vidéo, qui en fait est presque un prétexte au rassemblement, puisque l'objectif premier de Warp Zone, c'est de tisser du lien social autour du jeu vidéo, et plus particulièrement rétro, parce que la personne qui a créé cette association, qui n'est malheureusement pas là, mais qui fait toujours partie des effectifs, voulait en fait un lieu où se rassembler autour de ce... de ce médium, et donc du coup Warp Zone est né à partir de là. Il s'est dit les cinéphiles ont les cinémas, mais qu'est-ce qu'ont les joueurs de jeux vidéo pour se rassembler. D'accord, donc c'est une association plutôt conviviale, entre amis, ou plutôt compétitif Justement plutôt la première option. L'objectif clair de Warp Zone, c'est vraiment de rassembler. Et quand je dis tisser du lien social autour du jeu vidéo, c'était important aussi parce qu'on a d'autres objectifs comme déconstruire tout ce qui allait autour du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, les stigmates sont peut-être moins évidents parce que beaucoup plus de monde joue et assume de jouer au jeu vidéo, alors que nous, quand on a démarré il y a 11 ans, il y avait encore un petit peu ces stigmates et ces préjugés qui tournaient autour un petit peu de tout ça. C'est forcément des mecs, ils sentent pas très bon, ils mangent de la pizza et des chips. Et effectivement, on sent pas toujours très bon, on mange de la pizza et des chips parce qu'on aime ça, mais en dehors de ça, on aime bien le jeu vidéo un peu plus largement que juste dire jouer, au-delà de ça, parce qu'on aime la culture du jeu vidéo. Geoffrey est un bel exemple de culture en termes de jeux vidéo et de collectionnite aussi, parce que t'es un bon collectionneur aussi quand même. Ça, j'avoue, oui. Et voilà, on va un peu au-delà de ça. Et au final, on parlait de passionnés tout à l'heure, que c'est une association de passionnés. Oui, les membres actifs sont des passionnés, mais au final, c'est pas que le jeu vidéo qui nous rassemble. On peut parler de plein de choses. Oui, bien sûr. Donc même si on n'est pas habitué aux jeux vidéo, si on n'est pas un grand joueur, on peut rejoindre l'association et se sentir à l'aise. Clairement, parce que c'est vrai que je suis pas rentré dans le détail, mais l'asso, elle pouvait se scinder en deux avant. C'est-à-dire qu'il y avait une partie locale et une partie événement extérieur. C'est-à-dire qu'avant, Geoffrey l'a très bien connu, parce qu'il a été adhérent, et quand il parlait de soutien, c'est aussi ça. Nous, on est tous adhérents à la base de l'association, comme dans n'importe quelle structure, on fonctionne avec un système d'adhésion. Et après, on devient staff, ou on devient même membre du conseil d'administration. Là, on est un peu les gérants de l'asso, et les staffs sont les soutiens, les bras et les petites mains qui vont permettre à l'asso d'avancer. Et en fait, il y avait une partie locale. Donc en gros, ça, c'était aussi un des objectifs de Warp Zone. C'était d'avoir un local centré sur le rétro gaming. Comme je disais, le créateur de l'asso voulait un endroit où rassembler. Un endroit où rassembler. Voilà, j'ai vu en 2020, vous l'avez fermé ce local. Est-ce que fin 2020, plutôt début 2021, ouais. D'accord. En gros, avant, on était ouvert deux fois par semaine et on faisait aussi des événements en plus. Donc on a eu deux locaux, pas très loin d'ici, au 117 rue Charles III. Le dernier en date à 27 rue Bracono, puis malheureusement, avec la multiplicité d'ouvertures d'établissements nous ressemblant et étant professionnels, on a perdu un petit peu d'adhérents. Et puis, Covid. Forcément. On a décidé de mettre fin à ce pan de l'association, mais l'asso aussi a toujours fait ce qu'on appelle de l'événementiel, des événements extérieurs, dans les conventions, dans les médiathèques, un peu partout, faire de l'animation. Parce qu'effectivement, on fait du freeplay, effectivement, on pose des posts. On propose aux gens de jouer, on discute avec les gens, parce que c'est ça le principe. Mais surtout, on fait de l'animation. Et on organise des tournois. Alors, je disais tout à l'heure qu'on n'était pas compétitif. Oui, on ne l'est pas, parce qu'en fait, nos tournois sont complètement barrés. C'est des tournois amicaux, avec des pour jeux, le délire. Et on fait aussi des quiz, des blind tests, plein de choses autour du jeu vidéo. Je vois. Et donc, autour de ce local que vous avez dû fermer, est-ce que à l'avenir, si vous avez plus d'adhérents, plus d'apports, ce serait un projet d'en réouvrir un ? C'est assez compliqué. Parce que concrètement, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que pour ouvrir un local, il faut des moyens. Mm-hmm. Ces moyens, pour les obtenir, il faut faire un maximum d'événements. Sauf que pour faire un maximum d'événements, il faut un maximum de bras. Oui, c'est un cercle vicieux, voilà, en fait. C'est un cercle vicieux. Et... Il faut trouver un apport quelque part. Et donc, ce serait bien que d'autres personnes rejoignent l'association. Donc, pourquoi pas essayer de les convaincre maintenant. Ah bah, c'est ce qu'on fait aussi pour... à travers des voilà. campagnes. Pour essayer de les convaincre, on va peut-être essayer de parler de vos futurs projets et aussi des projets précédents. J'ai vu que vous étiez au Gamefest le 11 février dernier. Et à la manga Matsuri du 9 au 10 mars dernier, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez mis en place pendant ces événements? Moi, Geoffrey en plus a participé aux deux. Oui. Concrètement, c'est pas ce que Warzone sait faire le mieux parce qu'on a fait vraiment que du freeplay. D'accord. Hein, donc on n'a pas montré tout le potentiel que Warzone a, mais malgré tout, c'était deux événements très sympathiques. On a passé un bon moment, les gens ont passé un bon moment. En fait, souvent, on laisse une bonne image parce qu'on s'amuse... Et c'est surtout, moi, ce qui me marque, qui me fait aimer à être dans l'association, c'est que via le Gamefest et donc via le manga Matsuri, on a beaucoup de bons retours des gens qui aiment ce qu'on fait. Et surtout, ce partage qui est très important. Parce que moi, ce que je considère aujourd'hui, c'est que même si on a de plus en plus de connectivité, en fait, les gens s'individualisent. Et comme ça, je trouve que c'est un médium qui est très bon. Et on le ressent avec les avis des gens. L'idée, c'est de créer une communauté. Ouais, alors, cette communauté, alors le terme de communauté, il convient et il convient pas à la fois. Ouais, je vois. Parce que, en fait, nous, justement, Warzone, on voulait pas que ça devienne une bande de potes. On voulait que Warzone, ça puisse être un peu universel et que n'importe qui rentre, sort, vient. Qu'il y ait pas que ce soit pas forcément toujours les mêmes personnes. Et Geoffrey a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on multiplie la connectivité, on multiplie la possibilité de communiquer, mais les gens sont en physique, sont plus difficiles maintenant d'accès. Quand on a commencé, je me souviens, dans les conventions, quand on allait... j'allais voir des gens sur le stand, on arrivait à échanger, tout ça. Là, c'est plus difficile. On sent quand même cet écart où les gens ont plus l'habitude de communiquer à distance avant, potentiellement, de créer un lien physique. Et du coup, ils sont un peu effrayés, là. On arrive comme ça, parce que nous, c'est un peu... Voilà, bonjour, comment ça va? Il crée un lien social de loin pour maintenir une distance, et puis voilà, une fois que ils n'osent pas forcément, ils osent pas forcément venir, mais une fois qu'ils viennent, ils s'y sentent bien. Alors oui, avant c'était le cas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus compliqué à voir, parce que place, ouais. comme c'est vrai que j'ai pas rebondi là-dessus, mais comme le local, on a dû l'arrêter début 2021, on ne fait plus que de l'événement extérieur. Donc du coup là, on est sur un public de passage. Oui. On a moins d'accroche, mais là où je rejoins Geoffrey, c'est que le peu que les gens nous renvoient, ça suffit à nourrir un petit peu notre énergie, notre dynamisme pour continuer à faire des choses, parce que c'est ça le plus intéressant. Et notre ego un peu aussi. Donc, continuer à faire des choses, est-ce que vous avez des événements prévus, justement, pour l'avenir? Alors oui, on a la fête du jeu à Seychamps, 30 mars, donc ça c'est un peu historique, parce que je travaille depuis de nombreuses années avec l'accueil jeune de Seychamps. On leur loue du matériel tous les ans. Et depuis quelques années, ils ont fait leur propre petit événement autour du jeu. C'est très cool. C'est à la salle des fêtes de Seychamps. C'est grand. Il y a pas mal de choses. Il y a du jeu vidéo, effectivement, avec Warzone. Mais il y a aussi du jeu de rôle. Il y a aussi du jeu de figurines. Enfin, tout. C'est vraiment le fête de jeu au sens large du terme. Et c'est surtout fait par des gens passionnés. Et ils mettent les jeunes à contribution pour faire les décors, pour faire beaucoup de choses. Donc c'est super. C'est un très beau projet. Sinon, au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, c'est le week-end du 6-7 avril, on va avoir un gros événement à la MDE Artem. Là, 100% jeux vidéo. D'accord. Avec beaucoup, beaucoup d'intervenants. Alors, j'ai pas tous les détails, hein, parce que j'ai... On sait pas forcément encore en quoi ça consistera. Alors, c'est vraiment autour du jeu vidéo, il y aura de tout. C'est-à-dire, autant il y aura des speedrunners, autant il y aura des gens qui vont parler de jeux vidéo, de culture vidéoludique, des créateurs de jeux... Je sais pas si Max a réussi à avoir ce qu'il voulait, mais il avait essayé aussi de faire venir des gens un peu influents du YouTube game, entre guillemets. Donc je sais pas si il a réussi, mais si tel est le cas, il pourrait y avoir 2-3 célébrités vidéoludiques. Mais nous, on sera là les deux jours, nous, on aura majoritairement du free play, on aura un bon quiz slash blind test le dimanche, donc sur la scène de l'AMD Artem. Sinon, d'accord. Je crois... Et donc pour ces événements, on pourra évidemment vous retrouver sur place. Mais est-ce qu'on peut retrouver des informations, retrouver de la communication autour de tout ça? Ah bah, ça c'est le quelque c'est part. Le job de Geoffrey qui va s'y atteler. Il y aura de quoi faire, je pense. Oui, c'est un projet qui a été longtemps mis un peu en en stand-by, ouais. En stand-by, et c'est quelque chose que j'aimerais reprendre davantage. Et d'ailleurs, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, même si ça paraît un petit peu contraire à ce qu'on fait, enfin, on peut dire plutôt que c'est complémentaire, mais j'ai remarqué moi-même que cet apport des réseaux sociaux pour nous peut être un grand avantage. Notamment, par exemple, on recherche activement du staff, on recherche activement des personnes bénévoles pour nous rejoindre, et passer par ce biais donc, des réseaux sociaux nous aide clairement. D'accord, oui, on a eu pas mal de candidatures, mais bon, on n'est pas fermé, hein, c'est d'autres personnes. Et pour ceux qui sont intéressés, justement, pour vous rejoindre, les auditeurs, comment ils peuvent adhérer à votre association ? Déjà, je vais parler de ce qu'on fait quand on est dans Warpzone. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on rigole bien, tout ça, on parle de plein de trucs sympas. Mais c'est avant tout assez prenant. Je préfère être direct hein, là-dessus, parce que au moins, il n'y a pas de surprise. Il y a de la préparation en amont, il faut un peu préparer l'événement, on prépare des quiz, on prépare des choses comme ça. Il faut un peu de bras aussi, parce que on est sur des télés cathodiques. Et puis il y a forcément un peu de préparation, de prise en main de matériel, d'installation, avant d'arriver finalement au but final qui est d'être avec les gens, de jouer, de s'amuser, de discuter. Pour nous rejoindre du coup, il peut passer par les réseaux sociaux, mais on a un petit formulaire de candidature en fait pour voir un petit peu les compétences de la personne qui souhaite nous rejoindre, pour voir un petit peu cibler les gens. Et, parce qu'en fait, soit on peut déterminer sa place en avance, mais souvent, très souvent, ce qui se passe, c'est que la personne trouve sa place toute seule dans l'association au bout d'un moment parce qu'on a de l'animation, mais il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'animation, par contre, qui sont très à l'aise pour fabriquer des quiz. Il y a plein de choses à faire. Voilà, je vous ferai parler des réseaux sociaux. Mmh. Peut-être que tout seul, ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'avec une autre personne, ils pourront monter quelque chose d'encore mieux. Voilà. C'est un exemple, hein, mais il y a, tout un tas de choses à faire. Hein. Oui. De la réparation aussi, hein, des gens qui sont un peu bricoleurs, qui aiment bien bricoler les consoles. On a plein de manettes là, qui sont en rab. Mais on n'a pas envie d'être arrêté non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas des profils qu'on a besoin. Tout à fait. Le meilleur, c'est quand même la personne, c'est quand même comment elle est, comment elle réagit, comment elle interagit avec les autres, c'est le plus important. Après, en fonction de l'aisance de la personne aussi, c'est-à-dire que je veux pas qu'elle se retrouve bloquée parce que c'est pas évident d'aller parler à des inconnus, hein, qu'on se le mette en tête, forcément. D'aller faire de l'animation, c'est pas évident non plus. Et j'en suis le parfait exemple parce que, par exemple, moi, je suis une personne très timide. Donc, l'animation, c'est pas forcément quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Dans un premier temps, je me suis mis à faire beaucoup de quiz. Mais l'esprit d'interaction. D'interaction de camaraderie est devenu après. Et même, c'est quelque chose, pour moi, qui est très gratifiant. Donc, peu importe d'où on vient, il n'y a pas de profil type qui est recherché. Le truc, c'est que tout le monde peut trouver sa place finalement dans cette association. Du moment qu'elle a du temps à du moment qu'elle a du temps à consacrer. À différents degrés, on reste bénévole. Oui. Je peux pas demander foncièrement à quelqu'un qui travaille, par exemple, toute la semaine ou même qui étudie, peu importe, qui a déjà du temps pris ailleurs. Je peux décemment pas demander à ce qu'elle s'investisse dans Warpzone à 100%. Autant que d'autres pourraient le faire. Ouais. Voilà, c'est en fonction de chacun. Mais toutefois, on cherche effectivement des gens qui ont. Ont du temps à donner et des compétences potentiellement aussi, ou qui se disent j'en ai pas de compétences, j'ai pas l'impression de savoir faire des trucs. C'est pas grave aussi, parce que s'il y a 11 ans on m'avait dit que j'intégrerais une association de rétro gaming et que je prendrais un micro pour faire le con devant des dizaines de personnes, faire des chenilles à Animest comme on a pu faire des chenilles de 100, 150 personnes en étant tout devant la chenille à faire n'importe quoi, à porter des télés, à discuter de jeux vidéo avec n'importe qui, à tenir un bar, parce que voilà, on était un local avec un espace bar. Je pense que j'aurais pas dit oui. Après tout, ça représente bien l'association même. C'est le principe d'association et d'associatif en fait. Hein, tout c'est cet esprit d'amitié, d'entraide, de partage de valeurs communes et de passion commune. Ouais. Et puis ça crée aussi des affinités. Hein. Alors maintenant, c'est vrai que maintenant qu'il n'y a plus de local, c'est plus compliqué pour nous d'arriver à créer une équipe soudée. Nous, les vieux de la vieille qui sommes là depuis le début, on est copains maintenant. On se voit en dehors, forcément. On fait des choses ensemble. Mais avant, c'était plus simple. Il y a des groupes qui se créent. En fait, les gens venaient au local. Et au début, ils venaient pour jouer. Donc, ils jouaient les 2-3 premières fois. Et une fois qu'ils ont trouvé des copains avec qui ils ont joué, des gens qu'ils ne connaissaient pas forcément... Après, finalement, les manettes, elles prennent la poussière. Ça a été très souvent le cas. Hein. On a vraiment remarqué ça. C'est qu'au début, notre dernier local était sur deux niveaux, donc en rez-de-chaussée et une cave. cave, il y avait les jeux, le rez-de-chaussée, il y avait le bar. À la fin, il y avait plus de gens au bar qu'au jeu. En bas, oui. Quoi, finalement. Et on aimerait pouvoir continuer ça. Après, voilà, on est. Je vais encore utiliser le terme de vieux parce que c'est la vérité. On est fatigué, l'investissement est plus tout à fait le même. Et nous, on a besoin d'un nouveau souffle aussi, des gens qui arrivent, qui mettent un petit peu un coup de pied dans l'EHPAD. De réveiller jeunesse, les vieux là, qui sont endormis. qui se sont un peu endormis devant histoire les feux de l'amour. De rafraîchir là. Tout ça. Voilà, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les idées s'essoufflent, l'énergie oui. s'essouffle un histoire peu. Histoire d'apporter du neuf au rétro, en fait. Voilà, c'est un peu paradoxal. C'est paradoxal, mais c'est ça. Donc effectivement, des gens qui pourraient rejoindre. Alors je ne sais pas si mon discours est suffisamment exaltant pour qu'on ait envie de venir. Mais... En tout cas, il est très clair. Je pense qu'on a compris le principe même de l'association. Et oui, voilà. On est... La bonne ambiance, en tout cas, ça donne envie. Est-ce que vous vouliez parler de quelque chose de spécial dont vous n'avez pas pu parler Non, à part que voilà, on cherche effectivement du monde pour continuer l'asso, continuer à la faire tenir, parce qu'une asso qui a 11 ans, c'est... Ça peut c'est s'essouffler, pas forcément simple. Mais... Ouais, non, mais puis c'est pas ce qui est de plus commun non plus. Au bout d'un moment, ça a tendance un peu à, comme tu dis, s'essouffler, le feu s'éteint petit à petit, mais nous, on continue un peu à souffler avec ce qui nous reste. Tant que ça continue, tant que la passion peut continuer, il faut la poursuivre. Et on vous souhaite qu'elle continue et même qu'elle se développe à l'avenir, pourquoi pas. Hein. Et ce qu'on va essayer de faire le plus. Enfin, moi, personnellement, vu que je suis quelqu'un d'assez nouveau, j'aimerais aussi apporter quelque chose de neuf et donc participer à ce renouvellement qui est quelque chose de naturel, finalement. Faut voilà. Savoir se renouveler, oui. Voilà, c'est ça. Rester moderne en faisant avec du vieux. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Chouk, merci Geoffrey. Bon courage pour la merci, et comme on aime bien dire chez nous, à bientôt et surtout gros bisous. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.